jamais sois mon Dieu. J'ai besoin de ta présence dans ma vie, Seigneur. À jamais sois mon Dieu. À jamais sois mon Dieu. J'ai besoin de ta présence dans ma vie, Seigneur. Éternel est avec moi. Un héros puissant, mes persécuteurs trébuchent, ne me vaincront jamais. Chaque jour dans ma vie, je me laisse entrer tes mains, car tu es un refuge pour tous ceux qui se confient en toi. Tu es Jéhovah Jireh. Chaque jour dans ma vie, dans le bonheur, dans le malheur, ta présence est la victoire. Ta présence, yeah, yeah. Je la désire constamment, Jésus, ta présence. Aïe, aïe, aïe. Je la désire constamment, ta présence. Je la désire constamment, Jésus, ta présence. Je la désire constamment. Je me souviens à Béthanie, jour dans le tombeau, mais l'intervention du divin maître ressuscita Lazare. Ta présence, je la désire constamment. Jésus, ta présence, je la désire constamment. Ta présence, je la désire constamment. Jésus, ta présence, je la désire constamment. Privez-moi tout un chaud sur la terre des humains. Mais la présence de mon Dieu, c'est tout ce que j'ai désiré. Ta présence, yeah. Je la désire constamment. Constamment, ta présence, je la désire constamment. Oh. Ta présence, yeah. Je la désire constamment. Jésus, ta présence, je la désire constamment. Chaque plate, mais chaque avec des gaules, dans la haute fournaise. La présence du divin maître leur donna la victoire. Ta présence, yeah. Je la désire constamment. Ta présence, Jésus, ta présence, yeah. Je la désire constamment. Oh, ta présence, oh, oh. Je la désire constamment. Jésus, ta présence, yeah. Je la désire constamment. Je la désire constamment dans ma vie. Source du salut, ta présence. Je la désire constamment dans ma vie. Elle est la source du salut, ta présence. Ta présence, ta présence. Je la désire constamment dans ma vie. Je me souviens un jour dans la barque, Jésus était avec ses disciples et il dormait même le Seigneur. La tempête souffla, mais ils avaient oublié que la présence forte de Jésus était réelle. Et cette présence calma la tempête. Quelle forte présence, quelle forte présence, je la veux dans ma vie. Je sens la présence de Dieu. Ils ne manquèrent de rien à cause de cette forte présence. Pourquoi ne pas la chercher? Elle est accessible à quiconque la veut. la presencia de Dios.